Et là, il est 13h30, voici Histoire vivante. Cette semaine, le néolibéralisme. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, voyage dans le libéralisme. Une société sans croissance ne fonctionnerait pas. Théorie, colloque et pratique, elle finirait forcément par s'effondrer. Un système à l'épreuve. La croissance infinie n'existe pas dans notre monde. Cette règle s'applique à tous les domaines, sauf un. L'économie est censée connaître une croissance infinie. On ne peut pas comprendre et dominer les détails de cet ordre hyper complexe. It was through audacious and imaginative use of mass production methods that US industry was able to perform its wartime miracle. Beliefs which have led us to do the right things, although they are not factually correct. L'obsession d'Hayek, c'est de montrer que la toute-puissance n'est qu'un mythe et que lorsqu'on se laisse prendre à ce mythe, on aboutit précisément à un ordre totalitaire. À la suite de la crise de 1929, ils sont quelques-uns à vouloir interroger les raisons du dysfonctionnement de cette économie capitaliste dont on ignore encore, à l'époque, à quel point les conséquences en seront funestes. Nous aurons ainsi l'occasion cette semaine d'évoquer un personnage central dans la pensée du capitalisme, Friedrich Hayek, ceci dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2, qui revient sur l'autre crise profonde du capitalisme déclenchée dans les années 2007-2008. Ce documentaire est intitulé « Erreur système, la fin du capitalisme ». La croissance est une bonne chose. C'est une joie de regarder nos enfants grandir ou un arbre pousser. Nous sommes pourtant conscients qu'aucune croissance n'est éternelle. We believed then and now there are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams. And we were right. Si la croissance économique vient à disparaître, c'est la panique. Mais pourquoi ? Quelqu'un l'a justement remarqué il y a 150 ans. La croissance est un principe fondamental de notre système économique. Le capitalisme repose sur la croissance de l'économie. Karl Marx a fait une autre découverte. C'est cette croissance qui finira par détruire notre système. Et aujourd'hui, sommes-nous dans cette situation? Notre système va-t-il s'effondrer? Ou la croissance infinie est-elle possible? Le gouvernement ne veut pas que l'on remette en question le mot en C. Ils ne veulent même pas ouvrir le débat sur ce sujet. Observons la situation d'un point de vue extérieur. Si un alien arrivait de l'espace et nous regardait, il se demanderait ce qu'il se passe. Que font-ils ? Quelle est donc cette croissance qui figure dans chaque phrase des discours politiques et qui est au centre de tout livre économique ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce une religion ? Courent-ils après un dieu ? Est-ce un virus qui les a tous contaminés ? Et quelle est cette peur viscérale qui émerge à la seconde où la croissance fait mine de disparaître ? En 1938 se tient à Paris le colloque Lippmann. À cette occasion, un nouveau terme fait son apparition, le néolibéralisme. Nous reviendrons au cours de la semaine plus en détail sur ce colloque Lippmann, mais aujourd'hui, nous entamerons un premier aperçu en compagnie de Serge Audier, qui a fait paraître un essai sur ce colloque. Il s'agit d'un moment de l'histoire où les libéraux, après la crise de 1929, effectuent une contre-offensive et se questionnent eux-mêmes sur la pérennité du capitalisme. Ces questions d'histoire de la pensée économique débordant facilement sur le cadre politique, j'ai demandé à Serge Audier comment ses travaux sur le colloque Lippmann avaient-ils été reçus en France. Serge Audier. J'ai beaucoup de mal et j'ai beaucoup de mal à faire passer ce que j'essaye de dire, peut-être parce que je m'exprime mal, aussi parce que je manie parfois un peu la polémique, peut-être parfois excessivement. Mais disons que d'un côté, je suis considéré effectivement comme trop libéral et de l'autre comme trop social-démocrate, pour dire les choses. Et donc d'un côté, en France, le pôle hégémonique qui travaille sur l'histoire du néolibéralisme se situe très à gauche, à la gauche de la gauche, pour dire les choses. Et donc là, je suis souvent perçu comme un type bizarre, un social traître, un coupeur de cheveux en quatre, qui au fond veut sauver le libéralisme ou un social libéral, etc. Et de l'autre côté, le libéralisme à visage humain, autrement dit. Voilà. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, il y en a aussi des chercheurs qui se situent sur un pôle beaucoup plus libéral et qui considèrent que moi, je suis vraiment un social-démocrate qui se dissimule en libéral. Je crois qu'on aurait beaucoup intérêt dans ces discussions à considérer les arguments. Car j'essaye, autant que faire se peut, de produire un travail qui n'est pas dépendant de mes convictions, lesquelles convictions d'ailleurs sont beaucoup plus difficiles à situer que ces gens-là le croient, mais j'essaye vraiment de produire un travail qui essaie de restituer la complexité des rapports de force. Mon idée, si vous voulez, c'est que méthodologiquement, nous avons intérêt à comprendre les mouvements historiques, non pas comme des monolithes, mais comme des lieux de tension et de rapports de force et de compromis. Et je crois que c'est extrêmement important. Il y a tout un renouveau en Italie des études sur le fascisme. Pendant longtemps, on a cru que le fascisme était vraiment un monolithe. Maintenant, on sait qu'il y a des mouvements syndicalistes de gauche, il y avait des mouvements traditionalistes, il y avait des mouvements réactionnaires, il y avait beaucoup de choses. Et il y avait des consensus, des compromis, des divergences, des rapports de force. Mon idée, c'est que historiquement, le néolibéralisme ne doit pas faire exception à la règle, pas plus que l'étude du socialisme, personne ne dirait que les positions de Goethe sont les mêmes que celles de Jaurès ou que les positions de Marx sont les mêmes que celles de Proudhon. Eh bien, je considère, même si les différences sont peut-être moindres, que nous avons intérêt, pour comprendre ce de quoi nous parlons, nous avons intérêt à mieux restituer les différences, même si on peut les considérer philosophiquement ou politiquement comme finalement pas si importantes. Elles sont, je pense, du point de vue historique et du point de vue de la compréhension des phénomènes, extrêmement importantes, parce qu'elles permettent de saisir des tendances divergentes, des programmations économique différente, quoi qu'on en dise, la programmation économique en Allemagne n'est pas la même que celle aux États-Unis, etc. Et de mieux saisir aussi, tout simplement, des conflits qui ont eu lieu. Et ces conflits, souvent, n'étaient pas seulement, comme on le dit souvent, des conflits de personnes, des conflits d'ego, des conflits, même si ça existe toujours. Mais je crois que ces conflits étaient souvent sous-tendus aussi par des conceptions différentes. Donc moi, je ne veux pas faire une histoire idéologique du néolibéralisme et je ne me situe pas dans cette perspective. J'essaye d'avoir un point de vue qui restitue en quelque sorte la complexité de cet objet. Peut-être que mes convictions déteignent sur cet objet, mais en quelque sorte je m'efforce de ne pas le faire. Serge Audier, avez-vous eu dans ce domaine des prédécesseurs, et je pense notamment aux politiques? Y a-t-il eu dans le camp d'en face, non pas dans le camp extrémiste, mais dans, un camp intermédiaire, celui des sociodémocrates, des gens qui se sont penchés sur soit le colloque Lippmann parce qu'ils pouvaient l'avoir entre les mains, soit même sur les débats qui agitaient les libéraux? Pas tellement. Je crois que globalement, il y avait une étanchéité entre les deux. Il y a eu une très forte étanchéité. Peu d'intérêt pour la tradition libérale dans la gauche française. Je dirais même une certaine distance constante à l'égard du libéralisme. Donc, les figures de gauche qui auraient pu s'intéresser au colloque Lippmann et à ce moment intermédiaire, à l'instant, je n'en vois pas. Et même des figures un peu compliquées, comme Raymond Aron, ne sont pas tellement paradoxalement revenus sur ce passé-là. Et donc, je dirais que c'est assez typique aussi de la configuration idéologique française. C'est-à-dire que le libéralisme a longtemps intéressé assez peu de gens. Il y a un cas intéressant qui est le cas évidemment de Michel Foucault, dont tout le monde parle, c'est son fameux cours au Collège de France sur la biopolitique en 1978-1979, dont il est d'ailleurs amusant de voir à quel point les interprètes sont en désaccord pour savoir ce qu'il voulait vraiment dire, en quelque sorte, quelles étaient les positions de Foucault. Vous savez que certains disent que Foucault avait finalement peut-être de la sympathie pour le néolibéralisme, d'autres disent pas du tout, il était tout à fait hostile au néolibéralisme. Je dirais que Foucault a eu ce mérite, ou en tout cas cet intérêt, de se dire il y a quelque chose d'intéressant à creuser là-dedans. Et je crois que personnellement, s'il était intéressé par cela, et là je parle vraiment de mon point de vue, hein, parce que d'autres pensent le contraire, mais s'il était intéressé par cela, c'est parce qu'il avait le sentiment d'une crise profonde du socialisme. Il y avait chez Foucault même un anticommunisme bien connu, et le sentiment d'une crise du socialisme. Et je crois que dans cette réflexion sur la crise du socialisme, il est aussi venu à s'intéresser au libéralisme. Alors, certains pensent que Foucault a développé ses cours dans la perspective d'une critique radicale, en quelque sorte, du néolibéralisme. Je dirais qu'on a intérêt à être un peu plus nuancé. Une des raisons qui m'incite à être plus nuancé, c'est par exemple la façon dont il parle du fameux congrès de Bad Godesberg en Allemagne, qui a marqué dans les années 60 le passage des sociodémocrates à une acceptation relative, plus relative qu'on ne le dit souvent, du marché. Et Foucault considérait peut-être trop vite d'ailleurs que le fameux congrès de Bad Godesberg manifestait ou concrétisait en quelque sorte la conversion des sociodémocrates allemands à une forme de libéralisme ou d'ordolibéralisme allemand. Je crois qu'il allait trop loin. Peu importe ici, mais on sait par ailleurs que le Foucault de 78-79, c'était un Foucault qui s'acheminait vers des positions très proches de la deuxième gauche, qui était très proche d'idées réformistes en quelque sorte, et il est très difficile de situer Foucault à cette époque-là, mais je dirais qu'on aurait intérêt à ne pas croire que Foucault a écrit tout ce cours pour dire « Mon Dieu, quelle horreur, le néolibéralisme !» Je ne le crois pas du tout. Il y voyait un instrument de réflexion, il y voyait une voie pour saisir les transformations de son époque, et aussi il voyait un certain nombre de choses intéressantes. On ne saura jamais, finalement, je crois, exactement ce qu'il y voyait et ce qu'il voulait dire. Mais voilà un exemple d'intellectuel situé à gauche qui s'est intéressé au néolibéralisme, je crois, dans une perspective qui n'était pas simplement de pure condamnation. En France, on met très souvent les origines religieuses de côté. Sait-on, concernant les participants au colloque Lippmann qui se tient à Paris en 1938, les origines des uns et des autres? Y a-t-il beaucoup de catholiques, de protestants et, Oui, c'est toujours très intéressant. On le sait, même pour 68, c'est intéressant de voir que tant de dirigeants de petits groupuscules étaient juifs, souvent. Alors là, est-ce qu'il y avait beaucoup de juifs ou beaucoup de catholiques ou beaucoup de protestants? Alors, c'est très intéressant, effectivement. Je dirais que il y avait un pôle qui était très fortement marqué par une forme de christianisme social ou par de pensée chrétienne. C'est le pôle allemand. Rustov était descendant d'une famille de pasteurs luthériens. Finalement, on pense et on sait qu'il a évolué plutôt sous l'influence d'un certain catholicisme allemand. Mais disons que Röpke est un auteur profondément marqué par la religion. Et c'est le cas de beaucoup d'Allemands. Même les Allemands de l'ordolibéralisme, Walter Eucken, etc., sont des chrétien très profond. Et il y a dans ce christianisme, je crois, deux idées très fortes. C'est l'idée de la dignité de la personne humaine, qui est très fondamentale dans leur vision du monde. Et il y a aussi, chez Röpke, une très forte valorisation des communautés, de communautés qui sont aussi des communautés de type religieux. Et donc, il y a un arrière-fond religieux chez ces Allemands qui, je crois, sous-tend en quelque sorte leur critique de la modernité. Cette modernité sécularisée les inquiète aussi parce qu'il y a un arrière-fond religieux. Il y a d'autres auteurs lors du colloque Lippmann qui me paraissent beaucoup plus neutres de ce point de vue-là. Le cas le plus typique est Raymond Aron. On n'a pas les paroles de Raymond Aron pendant le colloque, mais Raymond Aron, on le sait, était juif, laïque, athée. Si vous voulez, ça dénote bien aussi une différence de perspective assez forte entre les participants. Pour prendre un troisième exemple qui est fascinant, Rougier a beaucoup, Louis Rougier, donc l'instigateur du colloque, a beaucoup évolué, mais disons que avant le colloque Lippmann, il avait écrit des écrits très fortement antichrétiens, à telle enseigne que Louis Rougier a beaucoup influencé la nouvelle droite d'Alain de Benoît. Et même dans les années 60, 70, 80, Louis Rougier sera assez proche d'Alain de Benoît et de la nouvelle droite, avec aussi ses dimensions païennes, etc. Pour prendre un autre exemple d'un protagoniste qu'on n'a pas mentionné, qui est très important, qui s'appelle Bernard Lavergne. Bernard Lavergne était un partisan de l'école coopérative, ce qui montre encore la complexité du sujet, parce que l'école coopérative, là encore, ça n'a rien à voir avec d'autres courants. Et Bernard Lavergne était un profondément protestant. Mais le protestantisme, si vous voulez, républicain français, typique, c'était rien à voir avec le luthérianisme de Röpke. Donc, si vous voulez, il y avait des perspectives différentes qui certainement informent aussi des prises de position différentes. C'est-à-dire que Lavergne incarnait très bien ce qu'on appelle l'école de Nîmes, coopérative des protestants libéraux, souvent républicains, etc. Röpke incarnait beaucoup plus un pôle d'origine luthérienne, même si, une fois de plus, il a été marqué très fortement par le catholicisme également, mais un pôle beaucoup plus religieux. Aron et d'autres étaient beaucoup plus athées, laïques. D'autres, comme Rougier, étaient donc beaucoup plus dans des positions complexes vis-à-vis du christianisme. Et je crois que ça a joué aussi un rôle. Serge Audier, l'instigateur de ce colloque Walter Lippmann qui se tient à Paris en 1938, est, vous l'avez dit à nombreuses reprises, Louis Rougier, instigateur, puis progressivement, on pourrait presque dire, pestiféré. Quelle est la redoutable trajectoire de cet étrange personnage? Alors, d'abord, Rougier était un philosophe qui a été un philosophe des sciences, de la philosophie analytique. Il a été aussi marqué par la philosophie de Poincaré. Il a organisé un grand colloque de philosophie scientifique avant le colloque Lippmann, et c'était un auteur très conservateur. Très conservateur, c'est important de le dire aussi, évidemment. C'était un auteur beaucoup plus conservateur que Lippmann. C'était un auteur très conservateur conservateur et qui notamment a développé donc dès les années 20 un discours très anti-chrétien et notamment critique du christianisme et critique aussi d'un certain égalitarisme chrétien et d'un égalitarisme aussi lié au rationalisme occidental. Donc Rougier, dès les années 20 en quelque sorte, a une position de conservateur libéral. Il est aussi marqué par des auteurs élitistes comme Pareto et d'autres. Dans les années donc 30, il s'inquiète de la montée du communisme, il est allé en Russie, il a fait un voyage en Russie, il est allé aussi en Italie, il a enseigné au lycée Chateaubriand, il a vu la montée du fascisme, et donc il devient vraiment un libéral, un critique des régimes dirigistes, etc. Mais il a aussi un arrière-fond, en quelque sorte, un peu conservateur, etc. Et il se deviendra pestiféré, tout simplement, parce que vient la guerre, arrive le régime de Vichy, et au fond, il défend la thèse qu'il y aurait un accord secret entre Pétain et Churchill. Et donc, c'est cette idée, il veut faire une médiation, en quelque sorte, entre Pétain et Churchill. Et donc, il apparaît très clairement comme un collabo aux yeux de beaucoup. Il doit s'exiler aux États-Unis et il est en quelque sorte grillé, si j'ose dire, grillé non seulement évidemment du point de vue des autorités publiques. Après la guerre, il sera interdit d'enseignement pendant plusieurs années, mais il est grillé aussi du point de vue des libéraux eux-mêmes, parce que évidemment, notamment un des libéraux dont j'ai pas parlé de cette nébuleuse, même s'il n'était pas au colloque Lyman, Lionel Robbins. Robbins était horrifié par le fait que ce monsieur Rougier aille soutenu l'idée d'un accord secret Churchill-Pétain et d'avoir l'idée d'une médiation entre Churchill et Pétain. Et donc, et beaucoup d'autres sont tout simplement considèrent que c'est catastrophique pour le mouvement libéral. Ça lui porte tort, puisque finalement, ça suggérerait que le mouvement libéral était de mèche avec le pétainisme. Par parenthèse, il n'y a pas que des éléments purement stratégiques là-dedans. Quelqu'un comme Mises, on peut dire beaucoup de choses de Mises, il a même eu quelques sympathies bref pour le régime de Mussolini, mais quelqu'un comme Mises ne pouvait qu'avoir en horreur le régime de Pétain, ne serait-ce que parce qu'il était juif, et qu'il était horrifié même par l'antisémitisme français, on le sait, même dans 38, il est horrifié par l'antisémitisme français. Donc, il est carbonisé, en quelque sorte, et donc, en quelque sorte, il laisse la place aussi parce qu'il ne peut plus être l'acteur premier. Mais l'élitisme auquel croit Rougier, il est de quel ordre? Il est strictement intellectuel, économique? Comment apprécie-t-il l'élitisme racial prôné par le régime nazi d'Hitler? Ah, il est tout à fait hostile. Il est tout à fait critique du racisme hitlérien. Il développe des textes tout à fait clairs là-dessus dans les mystiques politiques, les mystiques économiques, etc. Et la mystique raciale lui paraît une abomination. Mais malgré tout, c'est là la complexité encore de ses trajectoires. Il a écrit dans les années 20 des textes qui font une critique du rationalisme occidental, où au fond, il reproche à ce rationalisme occidental d'avoir postulé une égalité fondamentale de tous les hommes. L'horizontalité. Voilà, en quelque sorte. Et donc, c'est un penseur typique, si j'ose dire, de la hiérarchie. C'est un penseur typique de l'élite. Il faut dans toute société une élite, car s'il n'y a pas une élite, eh bien, cette société ne peut pas tenir, en quelque sorte. Et donc, il a une critique métaphysique, philosophique de l'égalitarisme rationaliste, et il a une critique, si je puis dire, plus sociologique, qui vient de Pareto, Mosca, ce qu'on appelle les théories des élites, qui disent au fond que dans toute société, il faut une classe dirigeante, il faut des élites. Mais en même temps, il est un critique du racialisme nazi, il n'est pas antisémite, il épouse aussi d'ailleurs une femme juive, il est dans des positions de critique très fortes du nazisme, ça ne fait aucun doute là-dessus. Sa position vis-à-vis de Vichy est beaucoup plus ambiguë, comme un certain nombre de ses auteurs à cette époque. Mais ces élites, à quoi peuvent-elles ressembler? C'est le prince de Machiavel? Ce sont des élites économiques, des élites politiques, des élites industrielles, les tout mêlés? Alors, ce sont pas des élites au sens du surhomme nietzschéen, si j'ose dire. Ce sont des élites, effectivement, politiques, industrielles, intellectuelles, etc. Une chose importante à dire, c'est que c'est un penseur élitiste, une fois de plus, libéral. C'est-à-dire qu'il considère que ces élites ne doivent pas fusionner. C'est un critique du totalitarisme de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il considère que toute société libre implique une diversification des activités et une diversification des sphères. C'est-à-dire que le politique ne doit pas être fondu, confondu avec l'économique, avec l'intellectuel, avec le religieux, etc., etc. Donc, pour vous répondre, il est élitiste, mais dans la perspective d'une démocratie libérale. Mais au fond, il y a beaucoup d'auteurs qui sont élitistes dans la perspective d'une démocratie libérale. Même Raymond Aron l'était, dans un certain sens. Simplement, chez lui, cet élitisme va de pair tout de même avec une certaine méfiance qu'on peut sinon justifier, du moins comprendre ou expliquer, une certaine méfiance pour, si je puis dire, la puissance des masses. L'idée que les masses, si elles ne sont pas canalisées, eh bien, peuvent conduire à des catastrophes. Et ça, c'est une idée assez importante durant cette période chez ces penseurs libéraux ou libéraux conservateurs, au regard, évidemment, notamment de l'expérience du fascisme et de l'expérience du nazisme, et d'autres expériences encore, à savoir que les masses ne sont pas nécessairement le garant d'un bon régime, que les structures juridiques, politiques et intellectuelles d'une démocratie libérale sont des conditions absolument indispensables d'une société libre, et que faute de ces conditions-là, en quelque sorte, l'embardée totalitaire est toujours possible. Donc ça, c'est un point qui, je crois, est important. Pour le reste, dans les années plus tard, mais là on anticipe, il évoluera notamment parce que non seulement ce personnage sera donc aura ce passé vichysois, entre guillemets, mais il évoluera vers l'extrême droite dans les années 60. Il sera très favorable, très pro-Algérie française et très anti-gaulliste. Il fait partie de la droite et de l'extrême droite violemment anti-gaulliste. Une extrême droite française. Française, anti-gaulliste, mais cet anti-gaullisme le conduira à des positions paradoxalement libérales, puisqu'il dira au fond que le gaullisme, c'est la toute-puissance de l'exécutif, et donc il écrira dans ces années-là des écrits plaidant pour au fond un rééquilibrage entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Il prendra une autonomie du pouvoir judiciaire, de véritables contre-pouvoirs, et donc il parle comme homme d'extrême droite, anti-gaulliste, pro-Algérie française. Mais finalement, le propos lui-même pourrait être accepté, je crois, par un certain nombre de libéraux, et pas seulement de libéraux, c'est-à-dire la critique du gaullisme comme régime asphyxiant, en quelque sorte, le pluralisme, les contre-pouvoirs, etc. Et il mobilise Montesquieu, Tocqueville, Benjamin Constant, tout le banc et l'arrière-blanc du libéralisme. Demain, début de notre semaine consacrée aux penseurs néolibéraux, et notamment à l'un des plus célèbres d'entre eux, Friedrich Hayek. Cette semaine est réalisée par Jean-Philippe Svalen.